L'IDAT, un bureau d'études français, a proposé en 2005 un intéressant petit tableau sur l'histoire et la prospective des générations de télévision. Il fait plus référence à une situation européenne que nord-américaine, surtout pour le début de l'histoire qui insiste sur la télévision publique. Néanmoins, la situation est facilement transposable dans pratiquement toutes les situations. Lisons ensemble le tableau de gauche à droite. La première génération de 1930 à 1980. 1930 est le début de la BBC en Grande-Bretagne, mais en réalité la télévision démarre vraiment seulement après la Seconde Guerre mondiale. Si on lit la colonne de haut en bas, on voit d'abord qu'il s'agit de la télévision publique analogique, c'est-à-dire la première télévision de masse. L'objectif principal de l'opérateur est orienté complètement sur le contenu, l'information, la culture, le loisir. Son activité première est la production des programmes. Et la difficulté, l'enjeu, c'est de contrôler les fréquences, c'est-à-dire tout simplement de construire le réseau hertzien. La deuxième génération, celle qui va de 1980 à 1995, est celle de la télévision commerciale analogique, c'est-à-dire l'arrivée des chaînes privées dans le paysage jusque-là bien tranquille de la télévision publique. L'objectif est maintenant de maximiser l'audience puisque l'on fait appel au marché publicitaire, c'est-à-dire à l'économie de l'attention. Pour cela, l'activité principale est la programmation pour réunir devant l'écran le maximum de personnes. Et du coup, l'enjeu devient l'offre de programmes que l'on contrôle au travers des droits de diffusion. La génération suivante, de 1995 à 2005, est celle de la multiplication des canaux au travers de la télévision numérique. Cette fois-ci, l'objectif est d'optimiser la couverture, c'est-à-dire de toucher le maximum de personnes, de toucher tout le monde, mais avec des programmes qui correspondent au goût de chacun. L'activité principale est donc l'assemblage, c'est-à-dire de construire un bouquet de chaînes, une offre cohérente pour tous et pour chacun. Enfin, l'enjeu est l'attractivité, le marketing pour attirer la clientèle vers son bouquet de programmes. À partir de 2005, c'est-à-dire il faut le rappeler au moment où a été construit ce tableau, nous serions entrés dans la télévision personnelle. Il s'agirait alors là plutôt d'aider les téléspectateurs à trouver ou retrouver leurs programmes, les programmes qui les intéressent. Aux activités principales précédentes de production, de programmation, d'assemblage, s'ajouterait une quatrième, le guidage pour l'accès aux programmes. L'enjeu serait alors l'image de marque et le poids du nom. On pourrait ajouter peut-être l'accessibilité par les moteurs ou encore par les réseaux sociaux. Et enfin, à partir de 2010, rappelons qu'il s'agit ici pour les auteurs de prospectives, puisque le tableau a été rédigé en 2005. En 2010, donc, nous serions dans l'âge de l'ego casting, terme assez difficile à traduire en français, quelque chose comme de l'auto-télévision, où l'objectif principal pour les opérateurs est maintenant juste de maintenir l'audience, une audience qui devient particulièrement volatile, et on ajoute une activité importante aux précédentes, c'est la création, la gestion des talents. L'enjeu est maintenant le contrôle des coûts et surtout la définition de nouveaux modèles d'affaires. Ce tableau, avec ses limites, est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, il montre bien l'articulation entre les industries du contenant et les industries du contenu pour construire des médias ou pour faire évoluer un média, ici la télévision. Et puis, il souligne un autre phénomène sur lequel nous aurons l'occasion de revenir très largement dans des séances ultérieures, la bascule vers le milieu des années 2000 d'une logique de la diffusion organisée à partir des programmes ou de leur assemblage, vers une logique de l'accès, c'est-à-dire un média organisé complètement à partir de l'attitude des téléspectateurs.